Le porte-parole de l'Association des juristes démocrates de Corée a publié le 20 juin une communication du fait que la Corée du Sud est toujours sous la domination de la loi vicieuse du temps de l'époque de confrontation contre la démocratie et la vérité. Il a dit « Il y a peu de jours, la Cour suprême de Séoul a tenu l'audience et condamné un Sud-Coréen à 5 ans de travaux forcés en raison de la violation de la loi sur la sécurité. » On dit que l'accusé avait inséré dans le homepage d'Internet les articles appréciant haut les grands hommes Pectosan pour ainsi prétendre la réunification. Le 13 juin, on a condamné à 3 ans de travaux forcés le pasteur arrêté et accusé d'espion du Nord lors du pouvoir de Park Geun-hye. Une telle démarche des autorités sud-coréennes constitue d'une part le défi impardonnable contre l'opinion de la population sud-coréenne qui aime la justice et la conscience et désire une nouvelle politique et une nouvelle vie, et d'autre part l'anachronisme pour empêcher le courant de l'époque vers la réconciliation et la cohésion nationale et la réunification. Cette réalité sud-coréenne évoque la campagne frénétique de suppression des forces dépendantes au nord du temps de la bande de Lee Myung-bak et de la bande de Park Geun-hye, qui avait condamné sans pitié les personnes attachées à la souveraineté, la démocratie et la réunification. Le pire, c'est que les autorités sud-coréennes qui font grand bruit autour de l'amélioration des relations intercoréennes s'adonnent maintenant à étouffer la tendance pour la réunification, ce qui n'est qu'un refus ouvert contre nous et une déclaration ouverte de leur volonté de continuer la confrontation fratricide, tout comme la bande conservatrice. Abolir la loi sur la sécurité contre les droits de l'homme et la réunification, c'est l'exigence unanime de toute la nation et de la communauté internationale. Les autorités sud-coréennes doivent, si elles veulent vraiment l'amélioration des relations intercoréennes et la réunification, abandonner résolument la politique de confrontation fratricide de la bande de Park Geun-hye, abolir la loi sur la sécurité de l'époque passée et libérer les partisans de la réunification arrêtés injustement. Si le gouvernement sud-coréen continue les démarches antinationales et raisonnables contre la justice et la vérité, tout en allant à l'encontre du temps et de l'opinion publique, il ne pourra jamais éviter la malédiction et la condamnation de toute la nation.